Vous ne pourrez y échapper, Charline, c'est votre heure, c'est maintenant! Ah, c'est vrai? J'étais pas au courant. Écoutez, je suis pas prête. Je savais pas, il est 17h, mon Dieu. Oh, démerdez-vous! C'est dingue, vous voulez pas m'aider? Non, non! Bon, écoutez, très bien. Je vais faire appel à l'équipe dans ces cas-là. Merci Laetitia Gaillet. On se retrouve demain, à la même heure, et pour vous dès 10h du matin d'ailleurs. En attendant, écoutez comment nous avons préparé cette émission de manière tout à fait consciencieuse, comme chaque jour. Salut les amis. Salut Charlie. Voilà, vous êtes remis de notre voyage à Lille. Et toi Guillaume, t'as joué dans le sud-ouest. Mal à la tête. Dites-donc, ça promet. Bon allez, hop, les sujets. Et bah la Catalogne. Très bien, moi je suis pour l'indépendance. Ah non, moi je suis contre. Ça va dépendre des élections. Et en siège c'est bon. Ah non, mais en voix c'est pas la majorité. Quel bourbier cette histoire. En tout cas, si la Catalogne arrive, moi je demanderai l'indépendance du 16e arrondissement. Non mais ça c'est ridicule. C'est pas du tout ridicule. On est bien plus riches que les habitants du 20e et je ne veux pas être assimilé. C'est aussi culturel, Alex. Oui, mais même culturellement on est très différents. Alors moi je demanderai leur attachement à Neuilly. Ah oui, tu seras président. Je serai roi parce qu'en tant que Belge, j'ai des prédispositions et que les gens du 16e et de Neuilly, ils sont pour la monarchie et puis c'est comme ça. Voilà. Ben merci pour ce programme politique. On prend ce sujet là. Non. On ne sait pas qui a gagné, qui a perdu. Et quand on en parle 30 secondes, c'est pour finir avec l'indépendance du 16e arrondissement. Alors on va laisser décanter. Alors sinon, il y a un sujet sur l'alcoolisme de James Bond. Non, Colombo, à la limite, je comprendrais, mais James Bond, je vois pas le. Mais c'est intéressant parce que son alcoolisme, c'est à cause des sponsors qui veulent apparaître dans le film. Ah, nous aussi, alors on pourrait montrer des champagnes et des vodkas et alors on. À la radio. Bon, on prend pas le sujet alors. On parle d'un truc anodin comme ça et puis on peut dévier sur plein de choses. C'est parfait. En tout cas, si James Bond était catalan, j'ai une vraie question à poser. Est-ce qu'il serait pour ou contre l'indépendance? Non, ce qui compte, c'est qu'il soit pour la sangria. Mais la sangria, c'est espagnol. Non, c'est catalan. Non, et la Catalogne, c'était l'Espagne. Non. Madre mia, por favor, cállate. Quoi? C'est l'espagnol. Non, ça, c'est catalan. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui déclare son indépendance vis-à-vis de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont arracher l'autonomie jusqu'à 18h. L'intellectuel à la française du type Sartre s'est transformé en penseur vedette client des émissions populaires pour notre plus grand plaisir du divertissement. Non, un petit coup de finky comme ça, ça fait du bien. On connaît déjà la fin du nouveau James Bond, il va finir complètement bourré à cause du placement de produit qui lui fait boire 20 bières Heineken et 30 vodka Belvédère. Pour Daniel Craig, on sait déjà où ça mène. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. Michel Galabru, Charles Aznavour ou Michel Bouquet ont autour de 90 ans et égayent toujours la rentrée culturelle. Un artiste n'a pas d'âge, c'est moins vrai pour les politiques. Si Serge Dassault est le Galabru de la politique, il est un petit peu moins frais. Les élections municipales conditionnent les élections sénatoriales. Parce que ce sont les Je suis accompagnée de celui qu'il vaut mieux aller voir sur scène avec une couche confiance, c'est Alex Vizorek. Oui, bonjour Charline Vanhoudecker. Oui, c'était sans trucage, Serge Dassault, parce que certains n'ont pu croire. Belle équipe aujourd'hui autour de la table à 17h20. Il tourne en ce moment avec Gérard Depardieu à Marseille et pourtant le lundi il prend congé pour venir nous voir. Ça s'appelle Le Sevrage. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler? De Christophe Colomb. Il invente sur place. C'est dans l'actu. Voilà, vous avez 20 minutes pour nous écrire ça. À 17h30, ce week-end, il a été à la rencontre des Français. De manière assez étonnante, les Français nous l'ont rendu très rapidement, puisqu'il est déjà de retour. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et oui, je me suis intéressé aux suites du barrage de Sivens, un projet qui n'a pas tout à fait été abandonné et une polémique qui laisse des traces dans la population. Il y avait le gros bordel, là, de la merde partout et personne n'en a parlé. Pourquoi vous ne l'avez pas fait voir ça à la télévision? Ah, parce que moi, je fais de la radio. Oui, on va se calmer. Il est un peu tendu, quoi. Ouais, ça sent l'accent et ça va être bien. À 17h40, je crois que je lui manque, puisqu'elle est censée venir que le jeudi, et malgré tout, elle est là. Et elle est venue car je crois qu'elle aime encore plus que ma présence venir me rappeler que je n'ai aucune chance avec elle. Bonjour, Clara Dupont-Mano. Oui, bonjour, Alex. C'est toujours l'actualité. Oui, c'est pour l'actualité, voilà. Absolument. Et l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui a encore fait parler de lui. Ça, c'est donc, votre genre, ça. Oui, je vous parlerai d'un livre sur l'école de Normale Sup. Très bien. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous le général. Vous jouez dans La Crise et dans Cuisine et Dépendance en 92, une année faste pour vous et pour l'automobile française qui lance la Twingo que le monde nous envie. Vous recevez 3 Césars pour votre premier film en tant que réalisatrice, Se souvenir des belles choses en 2001, une année noire pour la télévision française puisque c'est l'arrêt brutal du Juste Prix. Vous incarnez le docteur Margaret de Beaulieu sur France Inter en 2012 quand Copé et Fillon se disputent la présidence de l'UMP. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre voix reconnaissable. Zabou Bretman. Mais vous avez une erreur. Ah oui, dites-moi. Je ne suis pas Margaret de Beaulieu. Mais qui c'est? Il y a quelqu'un qui vous imite. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Mais oui, oui, c'est pas vous. Non, ça vous avez raison. Vrai, non, mais ça c'est un délire. Ah, vous en comprenez. Oui, mais ça c'est fou. Allez, on oublie ça. Zabou est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors, Zabou Bretman, vous mettez en scène Journal de ma nouvelle oreille, de et avec Isabelle Fruchard. C'est au studio Héberto jusqu'au 25 novembre. Isabelle Fruchard est comédienne, entre autres, elle a d'autres talents. Et à 14 ans, elle a perdu 70% de son audition. Ouais. Elle a écrit un texte que vous avez retravaillé avec elle et qui donne cette pièce où elle explique « J'ai cessé de comprendre les paroles des chansons et copier les dictées sur ma voisine. » Elle explique aussi que quand elle a vu Camille Claudel, le film Les 15 dernières minutes était en voix off, et donc c'est donc le petit frère qui faisait play pause et qui était obligé de crier le texte. Où elle parle aussi du cri de la nièce qui pétrifie toute la famille sauf elle, qui perçoit à peine une vibration. Donc cette pièce, c'est aussi, alors elle est jouée depuis 2 ans et donc elle reprend au studio Héberto, c'est la redécouverte du monde par l'audition. Oui, c'est ça, exactement. Et évidemment, une comédienne passe des auditions. C'est la première fois que j'entendais qu'un comédien passe une audition. Alors, on imagine qu'un acteur parle, mais non, c'est l'audition, c'est ce qu'on entend de lui. Et en fait, d'écouter les paroles d'Isabelle m'ont permis de me rendre compte à quel point l'outil qu'on a et celui qui marche, les oreilles quand elles marchent, est magique, est absolument magique. Et quand elles ne marchent pas, c'est une catastrophe, mais qu'on cache, qu'on dissimule, parce que quand on ne voit pas, on met des lunettes, mais on ne s'appareille pas. Alors, on a entendu hein, dans les infos que, effectivement, ça coûte super cher. Mais aussi et qu'il n'y a pas assez d'audioprothésistes. Il n'y en a pas assez, ça se développe, mais on en parle, à mon avis, aussi, parce qu'on commence à pouvoir admettre qu'on est appareillé quand on n'entend pas, de même qu'effectivement, on met des lunettes quand on ne voit pas. Mais vous parlez d'un sentiment magique. Vous savez, en ancien français, on pensait que l'ouïe était un sentiment. Et donc, en ancien français, pour dire « je t'aime », on disait « je t'entends ». Mais bien et sûr. C'est resté dans nos expressions quand on dit « deux personnes ne s'entendent pas » ou « s'entendent bien ». C'est une résurgence de ça. On pensait que l'ouïe était un sentiment. Absolument. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a perdu l'ouïe comme sa grand-mère, l'ouïe, son frère et l'ouïe, son mari. Alors, elle a perdu l'ouïe parce que les cellules ont disparu, comme ça, bim. Les cellules ont disparu. Elle s'en est pas aperçue vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde était un peu dans un déni. Tout le monde, du médecin de famille, sa mère, tout le monde était un peu dans un déni. Du coup, elle est entrée elle-même dans un déni et donc elle s'est arrangée. Mais comme elle comprenait de traviole, elle répondait de travers et tout le monde la trouvait super rigolote. Du coup, elle est devenue comédienne parce qu'elle était trop rigolote parce qu'elle répondait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est une pièce comique et tragique en même temps. Ouais. Hippolyte Girardot, vous êtes allé la voir samedi soir. Oui, non, c'est fascinant parce que la comédienne, donc, qui a écrit ce texte, on sent qu'elle a passé beaucoup de temps à lire sur les lèvres. Et elle articule d'une manière très particulière, et on sent bien que c'est du mimétisme. Donc on est très près d'elle quand on voit la pièce, et c'est très troublant de sentir cette femme qui joue son propre rôle, et qui joue quand même l'histoire d'un handicap. Et c'est très très gênant, et en même temps très jouissif, parce que c'est une femme incroyablement vivante, drôle, énergique. Elle est extraordinaire quand même, cette Isabelle Fruchard. Oui, bien sûr. Mais gênant, je sais pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est elle. Et d'ailleurs, c'est pas si important que ça soit vraiment elle. Non, mais une non. fois qu'on le sait... Ah, il y a un supplément d'âme. Il y a une chose. Il y a du trouble. Il y a du trouble, il y a effectivement une prononciation. Ah non, mais c'est quasiment sexuel. Elle est vachement jolie. Ah, mais oui, elle est très jolie. Elle bouge d'une manière très étonnante parce qu'elle exprime beaucoup avec son corps, évidemment. Et il y a un trouble sexuel. Alors ça n'engage que toi. Ça, c'est la nouvelle punchline. Enfin, l'homme est sincère dans sa critique. Qu'est-ce que donc, si vous voulez troubler, c'est le journal de ma nouvelle oreille. Mais parce qu'elle parle beaucoup de ça. Elle parle de sexe, elle parle du rapport qu'elle a avec son chéri. Oui, elle parle du rapport sexuel avec l'appareil. D'abord avec l'oreille, mais on dit que les femmes jouissent par l'oreille, vous savez. Enfin, pas avec les mots, bien entendu. On est bien d'accord. Ça peut faire mal. Ne faites pas ça chez vous. C'est magnifique. Ne tentez rien chez vous. Quand ils se parlent à l'oreille, mais ça fait un larcène. Oui, quand ils lui parlent trop près, oui, ça fait un larcène. Donc elle est obligée d'enlever ses oreilles. Donc elle dit, de toute façon, elle appelle ça ses oreilles, ses appareils. Elle dit, de toute façon, je suis condamnée à l'amour en plein jour, les yeux écarquillés pour qu'elle comprenne bien ce qu'il lui dit. Et elle répond, elle lui dit, je suis ta grosse quoi. C'est aussi une ode à la radio, finalement. Ah, mais complètement, parce qu'elle était fan de radio et ne pouvait. Et la première chose qu'elle a écoutée quand elle a été appareillée, c'est la radio et les émissions de radio et les fictions radiophoniques. Ça a été pour elle une découverte. C'est vraiment extrêmement. C'est très, très délicat, très joli ce qu'elle fait. C'est le journal de ma nouvelle oreille, et avec Isabelle Fruchard. C'est au studio Héberto jusqu'au 25 novembre. Mise en scène, Zabou Bretman qui est notre invité. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. Show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth in to a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Donc oui, vous êtes bien sur France Inter. Yann Dury and the Blockheads. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Autour de cette table, il y a Hippolyte Girardot qui gratte sa chronique sur Christophe Colomb. On a bien avancé, là, on est déjà à la moitié. Moitié de l'Atlantique, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a Guillaume Meurice et, exceptionnellement pour un lundi, mais pour mon plus grand plaisir surtout, Clara Dupont-Mono et notre invité Zabou Brightman. Et à cette heure-ci, eh bien, c'est l'heure des informations radiophoniques. Attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Paris, hier, c'était la journée sans voiture avec cette bonne nouvelle. À l'arrêt, les Volkswagen diesel polluent ni plus ni moins que les autres voitures. Jacques Attali dit ne pas être candidat à la présidentielle. Tant mieux, car on ne saurait pas de quel bord il serait, hein, lui qui, après Mitterrand, a bossé pour Sarkozy, puis pour Hollande. En tout cas, s'il doit assumer les deux derniers bilans, il a bien raison de ne pas se présenter. Et on terminera par des brèves. Et il y aura même un petit quiz, rien que parce que, Charline, vous êtes très jouette. Et on commence par la journée sans voiture à Paris. Une journée, c'est petit bras. Rappelons que c'est déjà la sixième journée sans voiture pour Martin Winterkorn, l'ex-PDG de Volkswagen. C'est vrai, Anne Hidalgo a déclaré. C'est un symbole pour montrer qu'on n'est pas obligé de tous se balader avec une voiture personnelle. Et elle a même eu le soutien d'Agnès Sahal qui a dit, ben non, avec 200 000 euros de budget taxi, on peut faire les journées sans voiture toute l'année. Passons à Claude Guéant. Oui, il comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour s'être octroyé des primes en liquide. Claude Guéant a reçu le soutien de Véronique Sanson. Moi aussi, après chaque concert, je m'octroie une petite prime en liquide. Et on reste à droite avec Christian Estrosi qui se dit victime d'un complot orchestré par une cellule de l'Elysée pour faire gagner le FN en région PACA. Estrosi qui joue de malchance. Déjà dans les années 90, il s'était fait voler son casque de moto. Alors si c'est un coup du FBI, vous êtes prié de lui rendre. Il a laissé son cerveau à l'intérieur. Parlons présidentiel avec Jacques Attali qui ne devrait donc pas être candidat à la présidentielle de 2010. Ouf, non, bah oui. Sauf si dans 6 mois ou 1 an, j'estime que personne n'a envie d'agir dans l'intérêt de ce pays. Jacques Attali sera candidat à la présidentielle de 2010. François Bayrou évoque lui aussi la prochaine présidentielle et déclare pour 2017, les Français veulent du neuf. Ah, il ne compte donc pas se présenter pour une quatrième fois. Si, mais François Bayrou est capable d'offrir du neuf aux Français. Du 9%. C'est pas faux. International avec la Belgique où le secrétaire d'État à l'immigration a acheté des emplacements publicitaires sur Facebook ciblant de jeunes hommes irakiens de la région de Bagdad pour leur déconseiller de venir se réfugier chez nous en Belgique. Ah ben moi qui croyais que Facebook c'était pour se faire des amis. Non. En tout cas, nous restons dans le surréalisme puisqu'on est quand même le seul pays à acheter de la pub pour dire qu'on n'a rien à vendre. Une page culture à présent avant qu'Hippolyte Girardot ne meure dans ce studio. Il travaille trop le garçon. Oui, à Versailles, une fois de plus, la sculpture d'Anish Kapoor surnommée le vagin de la reine a été endommagée. Dites ce vagin, on le démontrait pas une fois pour toutes. Je vous laisse la paternité de ces propos strauss-kahniens. Versailles toujours, puisqu'on est dans l'élégance. Oui, là ça va intéresser Clara Dupont-Bello. Le JDD nous annonce que les descendants de Louis XVI doivent payer leur entrée au château de Versailles. Qu'ils se rassurent, les enfants de Christophe Colomb paient leur billet d'avion pour les États-Unis. Voilà, et les enfants de Marc Dutroux ont des maisons sans cave, alors... Science à présent. Oui, des chercheurs de l'université de Berkeley ont découvert les fondements qui permettraient de rendre un objet invisible grâce à une cape invisible, un peu comme dans Harry Potter. De premiers essais en France se sont révélés très concluants sur Xavier Dupont de Ligonnès et sur la croissance. C'est vrai, on les cherche. Et on termine le petit jeu, le petit quiz. Fox News, tout le monde connaît la référence en matière de chaîne info, on se souvient des no-go zones. Et bien ici, le présentateur nous parle culture. Il lance un reportage sur la femme qui aurait servi de modèle à la Joconde. Attention, c'est de l'anglais, mais je pense que vous pouvez trouver l'erreur. Is trying to identify the model for Leonardo DiCaprio's Mona Lisa. Pas de bol. La Mona Lisa, c'est non pas Leonardo DiCaprio qui l'a peinte. Et oui, Fox News, c'est aussi la No Brain Zone. Vous êtes bien sûr France Inter. L'émission reprend un cours normal. Après, maintenant, vous êtes informé, Zabou Breitman. Je suis à fond. Mais écoutez, ça tombe bien parce que jusqu'à 18h, on passe l'actu à l'essoreuse avec vous. Premier sujet, Alain Finkielkraut, Michel Onfray ou BHL, sont-ils encore des figures intellectuelles ou des penseurs vedettes? D'après Le Monde, daté d'aujourd'hui, bien dans les médias, ils ont pris la place de nos élus déconsidérés. Évidemment, si nos intellos suivent le chemin tracé par Zemmour, ils n'iront pas bien loin. C'est dur pour moi depuis que je ne passe plus à l'émission. On ne parle plus de moi. Autrefois, je faisais le scandale, la polémique. Dès lundi, la boulangère m'offrait un croissant, voire même un pain au chocolat. Pain au chocolat que je me suis fait shipper à la sortie du Figaro par des catholiques intégristes sous prétexte qu'on ne mange pas pendant le carême. Depuis que vous ne passez plus ici, alors. C'est fini, il n'y a plus de scandale, plus de polémique. Certains croient même que je suis devenu gentil. Michel Drucker m'a même proposé une chronique dans son émission, La Déchéance. C'était Jonathan Lambert dans la peau d'Éric Zemmour, on n'est pas couché. Alors la figure de l'intellectuel, c'est quand même une particularité française, comme le camembert. Hein. Mais c'est devenu un produit qu'on voit partout, en une des hebdos ou chez Ruquier le samedi soir. Alors Zabou Breitman, quand vous êtes face à eux, Onfray, BHL, Finkielkraut et qu'il y a une forme de show à la télévision, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il peut m'éclairer, je vais écouter ce qu'il a à dire, ou avec qui il va encore se disputer invité et contre quoi il va gueuler, ça m'amuse. Ben c'est compliqué parce que d'abord ils sont pas tous de la même dans le même exactement dans le même sac et puis ensuite ils sont dans un principe de show. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas échanger. On n'est pas sur le même niveau d'échange parce que nous, on échange d'une manière un petit peu, j'allais dire pure, peut-être pas, mais en tout cas intègre ou voilà. Or les dés sont totalement pipés dans ces émissions dès le départ. D'abord, elles sont remontées, donc vous avez une question, une réponse qui répond pas à la question posée. Vous êtes, c'est une vraie manipulation. Donc vous le regardez en vous disant, je suis pas dupe de toute façon de ce qui est dit, donc ça laisse un sentiment d'insatisfaction. Je vois pas très bien. Ça n'enlève pas à certains de l'intelligence et de la culture, ce qui est pas forcément d'ailleurs la même chose, mais c'est vrai, c'est même très différent. Et en tout cas, il n'y a pas beaucoup de poésie et certainement très peu d'humanité, ouais. Et puis peut-être moins de vision aussi, parce qu'ils passent tellement de temps dans les médias qu'on se dit, mais quand est-ce qu'ils finissent par réfléchir à leur affaire ? Ouais, je sais pas s'il y a une capacité effectivement de long terme. Je pense qu'il y a faut pas non plus ce truc de tout le monde est pareil et tous dans le même sac. J'aime pas trop ce genre de truc. C'est une tendance, voilà. Ouais, il y a une tendance. Bah, il y a un vide. Alors donc, ils remplissent aussi le vide. Qui se présentent à eux. Mais il y a une ironie de sort, c'est que tous ils pourfendent les politiques. C'est ça l'ironie du sort. On se pose la question de savoir s'ils pourraient remplacer la parole politique, mais quand vous regardez leur discours, tous ils sont dans le discrédit de la politique. Tous ils disent qu'ils sont déçus. Onfray, il avait appelé à voter. Il y a juste Régis Debray éventuellement. Voilà. Mais sinon, et très souvent, ils appellent à voter à l'abstention. Enfin, il y a une espèce de perte de confiance d'eux-mêmes vis-à-vis du politique. Donc en plus, c'est très bizarre de pouvoir penser qu'ils remplaceraient la parole politique. Oh, je pense pas. J'ai l'impression que c'est toujours, on est toujours en du très court terme en fait, de plus en plus dans toute information. Donc je trouve ça un peu déstabilisant. Et bon, quant au pamphlet ou au Fou du Roi, heureusement, il a toujours existé, mais il n'y avait jamais la mise en cause de la place du roi. S'il y en a un que vous devriez écouter, que vous aimez dans les écouter. Penseurs, mais ouais. Ils sont pas forcément dans les émissions, en fait. Ceux qui sont morts, ils sont plus dans les émissions, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il y a des penseurs et des gens, des philosophes. Quand j'écoute une Elisabeth Badinter, moi, je suis contente, par exemple. Et je trouve pas du tout qu'elle... D'abord, sa parole est toujours extrêmement mesurée. Elle la réserve aussi, c'est ça qui fait aussi. Et elle la réserve. Mais oui, c'est ça, quand on dit polémiste, dans l'article notamment du Monde que Charline évoque, c'est que ce sont des penseurs dits médiatiques. C'est qu'ils sont habitués au plateau de télé. Et souvent, la parole la plus précieuse, c'est celle qui est la moins exhibée. Certains ouvriers, d'ailleurs, après. Certains ouvriers. Je vous renvoie à cet article du Monde daté d'aujourd'hui. « Quand les polémistes supplantent les politiques ». C'est paru donc dans Le Monde. À cette heure-ci, Zabou Breitman, eh bien, il y a un confrère, Hippolyte Girardot, qui s'est mis à la chronique. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter aujourd'hui, Hippolyte ? J'ai vu l'histoire de ma nouvelle oreille, votre nouvelle mise en scène, et j'en suis resté muet d'admiration. Très difficile de rester sourd au talent de la comédienne et au vôtre, ma chère Zabou. Vous réussissez à rendre audible ce qui ne peut se dire, à éclairer ce qui ne se montre pas. En un mot, votre spectacle n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je ne saurais trop que le conseiller à ceux qui regardent le doigt quand on leur montre la lune. D'ailleurs, à propos de doigt. Avez-vous vu la lune cette nuit ? Une éclipse totale, magnifique, spectacle, mais à la différence du vôtre, horaire de merde. De 3 à 5 heures du matin, vous imaginez comme le cerveau est frais à 8 heures pour écrire cette fameuse chronique. Bon, bref. Et j'ai appris par contre que c'est le même genre d'éclipse qui a sauvé la vie de Christophe Colomb en Jamaïque. Ah, le voilà. Ah, le voilà, le Christophe. Ils n'avaient plus de vivres, ils en quémandaient aux habitants de l'île, mais les Jamaïcains avaient appris de leurs visiteurs l'art de la spéculation et les imitaient à merveille, leur demandant désormais 1000 fois plus de castagnettes espagnoles pour une banane qu'un an auparavant. Alors Colomb, qui n'avait pas que ça à foutre d'inaugurer le premier Club Med des Caraïbes, avec option tabac qui fait rire, a décidé, pour accélérer les négociations, de leur faire croire qu'il commandait aux astres et il leur annonça la disparition de la lune. Oui. C'est dans Tintin. Comme Tintin dans le temple du soleil, Madame connaît ses classiques. Ah, c'est un beau duo. Mais Christophe Colomb trichait, car il avait en poche l'édition des éphémérides de l'année 1504 dans son manuel Conquistador Junior. Et ça a marché, ça a marché. Les Indiens se sont dit que Colomb était vachement fort de prévoir la disparition de la Lune, alors qu'en fait, l'Espagnol les avait proprement enfumés. Enfumés, c'est le cas de le dire, comme les Yankees avec Volkswagen. Quand ils ont mis leur nez dans ces pots d'échappement de la Golf en se disant que c'était dingue ce que ça sentait bon le cul d'une Allemande et qu'est-ce que c'était propre. Ça n'étonnait personne que ce soit nickel, c'était une voiture made in Deutschland. Des types qu'on aime détester, trop parfaits, rien qui dépasse. Ils faisaient la leçon aux Grecs dont on sait bien que leur capitale est tellement polluée que s'ils démontaient l'acropole, personne ne le verrait à travers le smog. Ils faisaient la leçon aux autres Européens avec des pancartes Willkommen pour accueillir les réfugiés, nous foutant la honte. Non, je t'ai plus. Et puis là, d'un seul coup de tonnerre, les Allemands trichent. Mais pas n'importe quel Allemand. Non, Volkswagen. Volkswagen. La voiture voulue par Hitler pour remplir les autoroutes qu'il avait fait construire en prévision de sa folie guerrière. Et déjà, à l'époque, la triche, oui, car la Volkswagen est entièrement copée sur la Tatra, une voiture fabriquée en Tchécoslovaquie, que l'Allemagne nazie annexe 2 ans avant de sortir sa première coccinelle, au point que les Tchèques seront indemnisés en 1961. Et il est bien connu que qui triche une voiture tchèque triche un test anti-pollution. C'est très connu. Alors évidemment, nous en France, surtout, on se dit bien fait. C'est vrai, ils arrêtaient pas de nous regarder de haut avec leur Golf GTI, leur queue de la Schiffer, droit dans leurs pneus, les coccinelles, tandis que là, revanche, le teuton vacille. Comme si Christophe Colomb s'était fait prendre avec son horaire démarré pour explorateur par les Jamaïcains. Tu lui aurais dit, gros tricheur. Moi, personnellement, je trouve ça bien qu'ils aient triché. Parce que c'est chiant, les gens parfaits, non? C'est un peu comme si on vous reprochait d'être infidèle, de baiser tout ce qui ne dit pas non et de découvrir en fait que votre partenaire fait la même chose, juste plus discrètement. Ça calme. Mais pourquoi il parle de tout ça, se demande Vizorek. Mon cher Zabou, cher invité, chère référente de la République, c'est parce que votre journal de Ma Nouvelle Oreille parle exactement de ça. Isabelle Frochard en a eu marre de trouver 1000 subterfuges pour faire croire qu'elle entendait bien. Un jour, grâce à un test audiométrique, on lui a dit qu'elle n'entendait quasiment rien, que ses cellules avaient disparu et qu'elle devait porter un appareil. C'était de la triche, d'accord, mais depuis, elle est toujours aussi sourde, mais au moins, elle entend. Hippolyte Girardot, merci. Hey, oui. Alors, à propos de triche, vous avez dit la Volks est entièrement copée sur la Tatra. Copée, j'ai dit. Ouais, et je crois que là, il y a un lapsus. Il y a un lapsus révélateur. Tout à fait. Excusez-moi. Et donc, vous êtes appuyé sur la mise en scène de Zabou Breitman, le journal de Ma Nouvelle Oreille, et avec Isabelle Fruchard. Je rappelle que c'était au studio Héberto jusqu'au 25 novembre. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. On va parler de James Bond, on va parler de Michel Galabru. Et puis bon, on sait pas ce qu'on va faire. Deux sujets différents, mais... hein, c'est important. Tu crois que ce n'est qu'une histoire de fric? Demande au pêcheur à la ligne. Derrière le marbre se cache la résine. Il s'appelle Les Fils du Calvaire et il chante Jean Fils. Vous êtes bien sur France Inter, en compagnie de Zabou Bretman, qui met en scène le journal de ma nouvelle oreille. C'est au studio Héberto. Alex Vizorek, qui est autour de cette table? Nous avons Hippolyte Girardot qui a fini de travailler et il est tranquille. Clara Dupont-Molo qui affûte ses dernières répliques. Et Guillaume Meurice qui est au boulot maintenant, oui, il me semble. Oh, c'est le moment Meurice. Et oui. Moi, je voudrais revenir sur la polémique autour du barrage de Sivens. Un projet qui avait causé des heurts, des violences policières, entraînant même la mort de Rémi Fraisse. Projet que l'on pensait abandonné, mais pas du tout. Il a juste changé de forme. Ainsi l'a annoncé la ministre de l'écologie et du Nutella, Ségolène Royal. Je me suis donc rendu dans le Tarn, plus précisément sur le marché de Rabastens, la commune limitrophe du domaine de Sivens, et j'ai interrogé les habitants. Alors, le problème avec le Sud-Ouest, c'est évidemment la barrière de la langue. c'est pas évident. J'en veux pour preuve ce premier témoignage. Ils veulent rien savoir, rien payer, ils sont mal les dégâts. C'est un sang de merde, Albion. Des foutons de merde, des foutons de merde partout. Vous n'avez pas vu l'aéroport, et partout, ils sont contre tout. Et les éoliennes, les compagnies, ils font quoi avec Doré, du tout. Alors, il faudrait supprimer le diesel, en plus on les compte tout. Alors, il faudrait savoir. Alors, il faudrait savoir, il faudrait surtout comprendre. Vous avez croisé Jean-Michel Apathy? C'est vrai, il y a un peu de ça. Bon, alors, c'est vrai que c'est pas hyper clair. Alors, moi, j'ai un peu de famille dans le Sud-Ouest, donc je peux vous aider. Vous allez vous faire exterminer par les auditeurs. C'est juste que vous n'êtes pas pareillé, c'est tout. On vous embrasse dans le Sud-Ouest. Je vais vous aider un petit peu dans la traduction. Michel Drucker, on vous embrasse, on vous salue. Cali nous écoute régulièrement. On des fleurs. Donc, effectivement, la phrase « Je désapprouve l'action des écologistes » se dit en effet, le vouloir de mer, le bordeaux, ils sont contre tout comme. Voilà. Hein, c'est comme du français du sud-est, mais pas articulé. Hein, par exemple, dans le sud-est, on dit tête le con, et dans le sud-ouest, tête le con. Voilà. Vous avez compris? Bon, vous avez compris que les manifestations des écologistes ne sont pas très bien vues dans la région. D'ailleurs, pourquoi manifestent-ils? Parce qu'ils sont trop feignants pour planter les arbres eux-mêmes. Qui ça? Les écologistes. Ah, ils manifestent parce qu'ils sont trop feignants de planter les arbres eux-mêmes? Oui. C'est mon point de vue. Mais oui, mais c'est un point de vue très intéressant. Planter des arbres, oui, c'est fatigant de planter des arbres. Au moins autant que de tenir un raisonnement pareil, j'imagine. Et on la sent fatiguée, cette brave dame. Et c'est au moins autant fatigant que d'en couper des arbres. Car un des principaux arguments contre le barrage, c'est la déforestation. Il faudrait abattre beaucoup d'arbres, mais a priori, c'est pas très grave. À ce moment-là, qu'on vienne nous parler de l'Amérique, là où, de l'Amérique du Sud, où ils foutent la forêt amazonienne en l'air, là, vous croyez que ça déforeste pas davantage, ça? Oui, si c'est pour sauver 3 libellules, 4 cafards, 2 grenouilles, il faut arrêter. Il faut arrêter toutes ces conneries. Et l'écologie, ça commence à un degré potable, et puis plus ça va, plus ça descend. Et, attendez. Oui, alors attendez. Puisqu'on parle de degrés, je pense que ce monsieur avait déjà pris quelques pastilles sec à 1 degré potable et que plus ça allait avancer dans la journée, plus ça descendra absolument pas, hein, je pense. Donc c'est pas des bestioles qui vont nous emmerder. Elles tiennent d'ailleurs contre le cafard, moi j'ai un remède. Dédé, resserre-moi un petit jaune et ça ira bien. Et puis de toute façon, ces bestioles... Si elles étaient dans le coin, elles y seraient restées. Hein. Ah mais si elles avaient disparu, si elles avaient été détruites. Pourquoi vous voulez que ça disparaisse? Vous avez vu quelque chose disparaître, vous, Jean-Michel? Eh ben oui, il n'a pas tort. Des espèces disparues, ça n'existe pas, par définition, puisqu'elles ont disparu. Soit elles sont là et elles existent, soit on les a défoncées à coups de tractopelle et elles n'existent plus, c'est QFD. Donc, les écologistes ne servent absolument à rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Demandons à un autre habitant. Oui, mais moi, je suis pour les supprimer complètement. Je ne vois pas ces jambes barbues et qui... Je ne sais pas, c'est difficile à définir. Ces gens-là, je ne vois pas ce qu'ils font dans la société. Voilà. Vous êtes pour des pelotons d'exécution? La vitrification, ça serait plus simple. Et oui, vitrifier les écologistes, c'est une solution. Notez que quand on regarde la gueule du parti Europe Écologie Les Verts, il bouge déjà plus beaucoup. Hein, donc une bonne partie du travail est déjà fait. Les gros agriculteurs de la région, eux, sont beaucoup plus actifs. Ils écrivent par exemple des slogans aux abords du projet de barrage. Par exemple... Un pastis sans eau, on gère. Un été sans eau, on crève. C'est le slogan des agriculteurs. C'est un des slogans des agriculteurs. Et il y en a un autre qui est pas mal non plus, avec une vieille pelle, mais je ne sais pas celle-là où ils l'ont trouvée vraiment. Elle vaut le détour. Hein, et où il est écrit « Le fol, si tu as des couilles, on a la pelle ». C'est de la poésie quasiment. Oui, mais les agriculteurs sont très intelligents. Ben oui, ils sont très intelligents, les agriculteurs. Bon, ils ne mettent pas toute l'intelligence au service de leur slogan. Hein, on est plus proche de Patrick Sébastien que de Baudelaire, mais on sent le potentiel, on sent l'envie, on sent l'intelligence. D'ailleurs, cette dame aussi est intelligente. Elle a un avis sur ce barrage que des experts ont jugé inutile, même si... Nous, on n'y connaît rien. Hein, mais maintenant, après ça... Non, on a laissé foutre la merde. Et si les choses avaient été faites clairement depuis le début. Ah, y en a qui disaient quand même qu'ils ne servaient pas à grand chose. Ah ben. Est-ce qu'ils connaissent quelque chose? Ah, moi je ne sais pas, mais vous venez de dire que vous n'y connaissiez rien donc. Non, sur le côté politique de la chose. Il faut être logique quoi. Et oui, et il y en a de la logique dans les positions et les propositions écologistes du gouvernement, parce que comme d'habitude, c'est que du vent et l'éolien, c'est écolo. Merci Guillaume Meurice. Un tweet très sympa qui vient du Sud-Ouest qui nous dit Meurice, si t'as les couilles, on a la pelle. Donc, ouais. Et c'est bien fait, son complice qui a réalisé ce reportage. Benjamin Riquet, notre réalisateur. Sujet 2 avec vous, Samu Bretman. Ils sont marrants dans le Sud-Ouest. Vous partez, elle part en tournée, cette pièce, j'imagine, Journal Nouvelle Oreille. Elle est partie déjà en tournée. Ah, déjà. Elle a tourné. Donc c'est maintenant. Dépêchez-vous d'y aller parce qu'on a tourné. Au studio Héberto jusqu'au 25 novembre, c'est votre dernière chance. Allez l'écouter, avec ou sans appareil. Oui, c'est vrai. Sujet 2. Plus les films coûtent cher à produire, plus James Bond picole. Grâce au placement de produits, Daniel Craig peut s'envoyer à la chaîne du champagne, du martini gin, de la vodka et de la bière. Quand James Bond va souffler dans le ballon, il sera pété avant lui. Gorge profonde, vous avez demandé à me voir. Vous avez des révélations? Oui, des révélations d'une importance extrême. Gorge à baseball est pas crevé. Il est vivant, oui. Vous êtes ivre, gorge profonde, vous empestez, vous ne savez plus ce que vous dites. Habitbol est mort. Monsieur, c'est tout. Si c'était si malin, tu vais démarrer tout seul. Et moi, ma gorge profonde, m'en vais la remplir de recherche. Voilà, gorge profonde dans la classe américaine. C'est un petit aperçu du prochain James Bond. Oui, parce que Total, dans le dernier James Bond, c'est un article paru dans Les Échos ce matin. Donc très sérieux. Ah, oui, il termine le film avec 8 grammes d'alcool pur. Mais c'est de la bonne, hein. C'est de la vodka Belvedere. Ici, de la polonaise, il est à fond. Alors, Daniel Craig dit au Huffington Post, c'est malheureux à dire, mais sans ces marques, on ne pourrait pas faire de film. Je vous rappelle que le dernier a quand même coûté 200 millions d'euros. Donc bon... Je me disais, Samu Bretman, peut-être vous aviez un regard là-dessus. Est-ce que vous êtes sponsorisé par Audica pour la pièce? On aurait pu. Vous auriez dû. Ils auraient dû. Ils auraient dû, ah, mais effectivement. Oui, mais ils auraient dû. Et là, il y aurait eu de la super production dans le. Robert Hossein aurait fait une voix ou l'autre. Non, mais on a eu des choses comme on a eu Agir pour l'audition, on a eu l'audioprothésiste Koskas. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, qui s'est mouillé, on va dire, pour ce spectacle. Donc ça fait vraiment plaisir. On va peut-être avoir les implants cochlères parce qu'il y a aussi, on peut implanter aussi pour les sourds. Alors là, sévère et profond. Donc oui, il y a des gens qui nous aident. Alors, on n'a pas eu de... Ah, pincé de mots. Alcool, d'alcool. En même temps, on peut... Oui, on peut comprendre. Bah, c'est, de toute façon, il y a un système là, dans ce genre de... Le système du genre... placement de produits dans les films. Là, ouais. James Bond, on est au... C'est voilà, le top. Au top du top. Ouais. Alors là, c'est pas oui parce que c'est pas la piquette, hein, parce que dans James Bond contre Dr No en 62, c'était du Dom Pérignon. Oui, on est chic. Hein, voilà, il y a une bouteille de Bollinger dans Vivre Bollinger, et laisser. Vous dites-vous. Bollinger. Dans Vivre et laisser mourir. Savoir, monsieur, madame Bollinger. Voilà. C'est son petit côté alsacien. Ah, madame Bollinger. Ce qui me fait rire, c'est qu'on se demande s'il est capable d'avaler tout ça, et personne se demande si c'est normal qu'il tue une douzaine de types qui sautent d'un bateau à un hélicoptère. Mais ça vous donne vous dites oh non, je vais pas aller voir ce film avec tous les placements de produits, on nous prend pour des truffes, ou ça vous ennuie pas? Non, parce que c'est ah, je m'en fiche pas, mais c'est hyper bien fait, quoi. C'est vachement bien, ils sont bien. Le dernier James Bond est sublime. Moi, j'y vais, hein. Samu Bretman, est-ce que vous auriez aimé être une James Bond girl? J'aurais adoré. Non, je voudrais être une super méchante. Faut pas parler au passé. C'est pas fini. Vous venez de me faire beaucoup de peine. Moi, si j'étais James Bond, vous seriez vraiment le genre de James Bond girl que j'aimerais. Moi, je voudrais jouer Jaws. Dans la mer. Le grand méchant là. Ah, pas le requin. Non, il s'appelle requin le méchant. Oui, c'est vrai. Écoutez, on ne sait pas si James Bond va finir avec un. Dans la mer. N'importe. Remettez-vous, Clara, ça va être à vous. C'est à moi. C'est à moi. James Bond va finir avec un sapin. Dans la guerre du feu. Je me verrais bien dans la guerre du feu. J'avais écrit une vanne, mais je jouerais le Silex de la grotte. C'était une vanne pourrie. Elle en génère d'autres. Vanne gagnée. C'est à vous. C'est à moi. C'est à moi. Oui, Charline. L'actualité. Non, sinon j'ai une bonne vanne, hein, mais laissez tomber. Allez-y. Non, non, non, non, non, non, c'est trop tard. La vanne, la vanne, la vanne. Ça vous met une fausse pression. Charline Vanhoenacker. Allez, Clara Dupont. Maintenant, tout le monde écoute la blague. Non, j'ai trop de pression maintenant. Peut-être avant la fin de l'émission. C'est la plus belle vanne, c'est celle qui n'a pas été faite. C'est vrai. Bon, là, un silex parle à une dent de la mer. Alors attention. L'actualité, c'est aussi Emmanuel Macron. Puisque hier, lors d'un festival organisé par Le Monde, il a tenu des propos qui feront encore mal au PS. Il a dit, je cite, « Le libéralisme est une valeur de gauche. » Et aussi, « L'État a pris trop de place. » Tenez, Guillaume Meurice, buvez un peu d'eau. C'est pour vous. C'est donnez-moi pour une vous. Grenade offensive, ouais. Plutôt. Alors, certains esprits éclairés se réjouiront de cette avancée, on peut le dire comme ça, et d'autres, peut-être moins progressistes et qui sont en train de boire un verre d'eau, y verront certainement une anomalie. Il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron est peut-être le personnage le plus romanesque de tout le gouvernement. Parce que c'est un mélange de bel ami de Maupassant, pour l'ambition, un mélange de Mister Magoo, pour le côté pavé dans la mare, un peu. Pas les yeux. Non, pas les yeux, parce qu'il est très très myope, il voit rien, Mister Magoo, ni non plus la calvitie, mais le côté pavé dans la mare, et puis situation calamiteuse dont il se sort assez bien finalement, avec une petite pincée, un rien d'eux, Dean Moriarty, qui est le héros de Sur la route de Jacques Kerouac, rapport aux rouflaquettes, dans le livre, et oui, il est décrit avec des rouflaquettes, Moriarty. Et de Iago aussi, parce que c'est un traître. Et de Iago, c'est un traître, voilà, c'est ça. C'était une intervention de Guillaume Meurice. Je précise. Parmi la fumée de la grenade. Alors, il se trouve qu'il y a dans sa biographie de Emmanuel Macron un petit trou, osons le mot, une faille, qui est qu'Emmanuel Macron a raté son entrée à Normal Sup. Eh oui. Alors après, c'est vraiment une faille. Ah, mais attendez, vous allez voir, parce que sinon ma chronique, oui, elle s'effondre, vous comprenez. Donc il faut un peu surinvestir le fait. Mais quelle faille, Clara. Mais vous allez voir. Mais oui, c'est une vraie faille. Mais oui, je l'ai senti comme ça. On est d'accord qu'après, il a fait tout le cursus, l'ENA et compagnie. Mais j'aime penser que cet échec à Normal Sup reste sa croix secrète. Parce que du coup, je peux vous parler d'un livre qui certainement est le livre qu'Emmanuel Macron lit en cachette et le cœur serré. Ça s'appelle « De bons élèves, l'école normale supérieure vue de l'intérieur ». Il est signé Marie-Laure Delorme et il est paru chez Stock. Zabou Bretam, avez-vous transité par Normal Sup ? Non. C'est une bonne nouvelle, comme nous tous. Certains même stagnent encore au niveau du BEPC, mais vous verrez, Alex Vizorek, vous aimerez ce livre parce qu'il est passionnant. En fait, c'est une plongée sociologique et surtout psychologique dans une des meilleures écoles du monde. C'est-à-dire que Marie-Laure Delorme ne fait pas que décortiquer le système d'excellence à la française, elle décortique aussi la psychologie de ceux qui en sont les rouages. Elle a suivi, en fait, une poignée d'anciens élèves. Ah, c'est-à-dire l'arrogance, le sentiment... vous allez voir, parce que alors, les anciens élèves, certains sont connus et d'autres un peu moins. Mais elle raconte l'avant, la préparation du concours. Elle raconte le pendant et puis l'après. C'est-à-dire, ça y est, on les reçus. Et tout le livre est sous-tendu par des questions très simples. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a 20 ans va sacrifier sa vie à un moment au profit des études ? Pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qu'il y a de si fondamental dans la compétition ? C'est bien que ça apporte quelque chose de fondamental dans leur psychologie. L'adversité, ça les galvanise beaucoup plus que ça ne les paralyse. Donc d'où ça vient ? Et puis une fois qu'on a eu le concours, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a franchi l'obstacle insurmontable, ça y est, on l'a eu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après d'effondrement ? Tout ça, elle le raconte. Et elle le raconte d'autant plus avec un contexte qui est le nôtre, c'est qu'on est dans un monde où les maîtres sont des contre-modèles. Ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg n'ont été au bout de leurs études. Donc au concours de Normal Sup de 1986. Un des sujets de philo qui était tiré au sort, c'était un verbe, c'était voir. Bon, et ben voilà. Aujourd'hui, plancher 7 heures sur le verbe voir, qu'est-ce que ça pèse face à des réussites aussi spectaculaires ? Et ben peut-être plus qu'on pense. Et c'est là sans doute où je vais faire saigner Emmanuel Macron. Parce que Marie-Laure Delorme écrit « Être normalien, c'est croire au pouvoir du savoir et à la beauté du temps long. » Oui. Peu de coups de théâtre dans leur histoire. Oui. Ils ont obtenu leur diplôme par le travail et l'effort, des valeurs de gauche, comme le rappelle Régis Debray. Alors bien sûr, ces valeurs n'ont pas la cote aujourd'hui. On préfère le cancre au bon élève, il a toujours plus la cote. Évidemment, on célèbre l'efficacité, le profit, l'immédiateté, c'est la Sainte Trinité de 2015. Eh ben, pas les normaliens. Donc on se dit, mais alors Normal Sup finalement serait le dernier bastion de résistance. Oui. Et si nos six sages normaliens n'étaient pas les derniers révolutionnaires ? Et Marie-Laure Delorme interroge l'écrivain Marc Lambron qui dit cette chose magnifique, je le cite, il dit « J'étais un grand lecteur, la littérature appartenait à un monde secret, antisocial, clandestin. Et j'ai alors découvert que la lecture était validée par la République. Il existait en France une école qui accueillait et valorisait la normale. » L'ironie du sort, c'est qu'elle s'appelle Normal Sup, alors que c'est peut-être exactement le contraire. Et c'est logique. Le savoir étant une arme, le foyer de résistance, il se trouve rue d'Ulm à Paris. j'arrête là, car Emmanuel Macron, qui ne rate pas une seule de nos émissions, doit très certainement avoir le moral à zéro. Emmanuel, vivre libre, c'est souvent trop seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Allez, déconne pas Manu, je te donne les références de ce livre que tu as certainement planqué sous ton code du travail. De bons élèves de Marie-Laure Delorme, c'est paru aux éditions Stock. Merci Clara Dupont-Monod. Un peu de Renaud, ça vous a plu sur Macron? Oui, non, ce qui m'a plu, c'est ce que le livre raconte et ce que vous dites du livre. Et donc, vous dites donc Macron n'est pas passé par là. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne voit pas bien la différence entre un acteur professionnel et puisqu'aujourd'hui, il y a une loi qui commence à se voter. Et on pourra prendre des amateurs pour ne pas les payer pour certains spectacles. Donc ça, il va falloir être un peu vigilant, Hippolyte. Hein, d'accord, il va se passer un truc qui craint énormément parce que vous savez, les politiques ont toujours un sourire amusé quand on leur parle des choses de l'art. Voilà. De saltimbanque. C'était le troisième sujet. On peut passer au quatrième. À 93 ans, Michel Galabru est toujours sur scène et même seul en scène. Quand on a joué dans Arrête de ramer, t'attaque la falaise, faut bosser jusqu'à 93 ans pour se repentir. Oh, c'est mignon, allez, on l'embrasse. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui s'ouvre, alors peut-être ça t'intéresse, le salon des seniors? Mais pourquoi ça m'intéresserait? Bah, parce qu'il y a des personnes. Non, mais je ne suis pas un senior, moi, je suis un vieux. Ah, d'accord. Et je revendique mon statut de vieux. Et tu sais que ils organisent quand même des choses pour les gens âgés, et donc tout ça. Oui, oh, bah, ils en organiseront certainement moins que les supermarchés. Parce que les supermarchés, ils organisent des parcours de santé. Ça se sait pas, mais c'est vrai. Très simplement, comme tous les vieux, j'aime beaucoup les petits biscuits. Et ben, les petits biscuits sont toujours placés très très haut, au dernier étage. Alors pour les attraper, s'il faut une extension. Alors l'huile d'olive, que j'adore, elle est tout à fait en bas. Alors flexion, extension. Zabou Bretman avec son papa, Claude Bretman, chronique dans le 7-9 en avril dernier, hein, votre papa qui a joué un old man show. Et alors voilà, on a à la fois Michel Galabru, 93 ans, qui dans son théâtre à Montmartre joue le cancre, justement. Voilà, on a toujours Michel Bouquet, Hirsch, etc. Aznavour qui n'en finit pas de faire ses adieux. C'est merveilleux. Alors voilà, vous voyez à 90 ans sur scène, on est porté par le jeu de la création, on ne s'arrête plus. Ouais, quand je vois mon père, oui. Et vous savez, l'adrénaline, c'est génial parce que ça leur file, c'est plus toutes les vitamines réunies, quoi. Il a une patate pas possible. Donc, il marche un peu difficilement. Donc, il voit plus bien, il n'entend plus grand-chose. Mais suffisamment pour continuer à chanter. On passe le 8 novembre au Rond-Point. On chante le cabaret de Ray. Mm-hmm. Au Rond-Point, il y a plein d'invités. Shirley, Dino, qui est-ce qu'il y a? Murillo, Edouard Baird, Lafitte. Je crois qu'il y a plein de gens. Et il continue, il est à fond. Et il m'a dit, je cultive uniquement les 20 pas qui me séparent des coulisses à la scène. Et voilà. Oh. Et à partir de ce moment-là, vous lui parlez. Alors, il est un peu fatigué par moment. Bon, il se déconcentre. Mais alors, dès que vous parlez d'un truc qui le concerne, il est à fond. Et c'est une époque où la culture, la curiosité et la partie ludique sont aussi fortes qu'aujourd'hui quand on dit « Ah oui, là, faut savoir ça ». Rien n'est utile et tout est nécessaire à cette époque-là. C'est pour ça qu'ils sont merveilleux. Et voilà. Et on en parlait parce que donc Michel Galabru a son portrait en dernière page de Libé. Je vous y renvoie. Il joue le cancre et dans l'article de Libé dit à l'heure où les artificiers du stand-up dégainent sur Daesh, Fleur Pellerin ou Donald Trump, Galabru parle de Tino Rossi ou de jeunes gens comme Johnny ou Claude François. Et on embrasse votre papa, Zabou Bretman. C'est chouette. Voilà. Et c'est le moment du sketch. On va vous mettre à contribution, Zabou. Attention. Ouais. Voici le sketch. Vous allez jouer un rôle que peut-être vous connaissez, mais apparemment c'était pas vous, donc je me suis trompé. Ah, merde. Mais quelqu'un vous appelle. D'accord. Et c'est Hippolyte Girardot. Vous êtes en vert. Oui. Allô? Non, jingle d'abord, évidemment. Attention. C'est de la radio. Mais bien sûr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Allô? J'aimerais parler à Margaret de Beaulieu. Oui, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Jean-Vincent P, je préfère ne pas dire mon nom. Ça se comprend tout à fait, personne n'aimerait assumer d'être Jean-Vincent Plessé. Ah, mais... Alors, je vous écoute, c'est pour l'esprit sain ou pour le corps sain? Ah non, le corps c'est impeccable, j'ai perdu du poids, je me trouve très beau. Bon, bah c'est déjà très bien. Oui, mais moralement, je suis dans le creux. Est-ce que c'est un creux ou plutôt un trou? Maintenant que vous le dites, je suis peut-être dans le trou. peut-être même au fond du trou. Non. Non, parce que j'ai encore un parti avec François de Rugy. Ah ben justement, c'est ce que je dis. Oh, c'est vrai. Mais que puis-je faire? Mais surtout, alors, Jean-Vincent, ne commettez pas l'irréparable. Ah non, ça je refuse d'y penser. Oui, qu'entendez-vous par irréparable? Eh ben comme vous. Ah non, moi j'entendais soutenir Alain Juppé. Ah, c'est ça l'irréparable. Oh, ça j'y ai déjà pensé. Voilà. Alors Jean-Vincent, vous devriez abandonner votre ego pour retrouver votre cohérence. Ma quoi? Votre cohérence. Ah mais ça je crois que j'en ai pas. Eh bien, vous devriez l'adopter. Ah non, non, non, non, je sais trop ce que sont les difficultés de l'adoption. Jean-Vincent, calmez-vous, prenez le temps de croire en vous. Oh, mais vous... ça va, ça va, je crois en moi. Très bien. D'ailleurs, je suis seul. Ah, le problème est là. Vous devriez réapprivoiser l'amitié des autres. La quoi? L'amitié, Jean-Vincent. Mais ça existe vraiment? Oui, Jean-Vincent. Et ça pourrait exister en politique? Oui, Jean-Vincent. Et ça pourrait exister chez les Verts, Jean-Vincent. Je dois vous laisser. À très bientôt pour une nouvelle émission de votre écoute coûte que coûte. Merci. Eh bien, si ce n'était pas vous, vous la faites très bien. Bah, j'imite, hein, ouais, je suis comédienne, j'imite. Olivier Girardot, merci beaucoup, Zabou Breitman. Je rappelle que vous mettez en scène le journal de ma nouvelle oreille de et avec Isabelle Fruchard. C'est au studio Héberto jusqu'au 25 novembre. Et tiens, vous serez aussi prochainement à l'affiche de Je compte sur vous de Pascal Elbé. Il sort le 18 novembre aux côtés de Vincent Elbaz et Julie Gaillet. Demain, on se retrouve avec Olivier Gourmet, dans lequel vous avez joué, bien sûr. L'exercice de l'État, le film. Le mot de la je fin. Ne mange pas de ce pain-là. On lui demande. Le mot de la fin. Tiens, à Alain Finkielkraut. Non, non, non. Un bel rappel.